manger pour les bâtards. La tombe Yves-François Hollande, l'ISDF crève sur le trottoir. Les pauvres se font atomiser sous le sourire des banquiers. C'est dans ce monde le pénisé que demain il faudra crever. Hollande, rien n'a changé dans nos cités. T'as ton père Yves-François Hollande, il fait pas bon être sans papier. C'est en prison qu'on va finir, avant de crever, avant de mourir. À l'Élysée, c'est le paradis pour les connards et les nantis. Changer pour les chômeurs. T'as ton père Yves-François Hollande, des flics imposent la terreur. Sur une musique aseptisée, tu fais la fête à l'Élysée. Pendant qu'on crève sur le pavé, tu bouffes avec les financiers. T'as ton père Yves-François Hollande, rien n'a changé dans tes prisons. T'as ton père Yves-François Hollande, on a choisi la pendaison. Les électeurs sont des cocus.